Chapitre 5e. Deslauriers avait emporté de chez Frédéric la copie de l'acte de subrogation, avec une procuration en bonne forme, lui conférant de plein pouvoir. Mais quand il eut remonté ses 5 étages, et qu'il fut seul, au milieu de son triste cabinet, dans son fauteuil de basane, la vue du papier timbré l'écœura. Il était là de ces choses, et des restaurants à 32 sous, des voyages en omnibus, de sa misère, de ses efforts. Il reprit les paperasses. D'autres se trouvaient à côté. C'étaient les prospectus de la compagnie houillère avec la liste des mines et le détail de leur contenance. Frédéric lui ayant laissé tout cela pour avoir dessus son opinion. Une idée lui vint, celle de se présenter chez M. d'Ambreuse et de demander la place de secrétaire. Cette place, bien sûr, n'allait pas sans l'achat d'un certain nombre d'actions. Il reconnut la folie de son projet et se dit « Oh non, ce serait mal ». Alors il chercha comment s'y prendre pour recouvrer les 15 000 francs. Une pareille somme n'était rien pour Frédéric. Mais s'il l'avait eu, lui, quel levier! Et l'ancien clerc s'indigna que la fortune de l'autre fût grande. Il en fait un usage pitoyable, c'est un égoïste. Et je me moque bien de ces 15 000 francs. Pourquoi les avait-il prêtés? Pour les beaux yeux de Madame Arnoux. Elle était sa maîtresse. Deslauriers n'en doutait pas. Voilà une chose de plus à quoi sert l'argent. Des pensées haineuses l'envahirent. Puis, il songea à la personne même de Frédéric. Elle avait toujours exercé sur lui un charme presque féminin. Et il arriva bientôt à l'admirer pour un succès dont il se reconnaissait incapable. Cependant, est-ce que la volonté n'était pas l'élément capital des entreprises? Et puisqu'avec elle, on triomphe de tout? Ah, ce serait drôle. Mais il eut honte de cette perfidie. Et une minute après, « Bah, est-ce que j'ai peur ?» Madame Arnoux, à force d'en entendre parler, avait fini par se peindre dans son imagination extraordinairement. La persistance de cet amour l'irritait comme un problème. Son austérité un peu théâtrale l'ennuyait maintenant. D'ailleurs, la femme du monde, ou ce qu'il jugeait-elle, éblouissait l'avocat comme le symbole et le résumé de 1000 plaisirs inconnus. Pauvre, il convoitait le luxe sous sa forme la plus claire. Après tout, quand il se fâcherait, tant pis. Il s'est trop mal comporté envers moi pour que je me gêne. Rien ne m'assure qu'elle est sa maîtresse. Il me l'a nié, donc je suis libre. Le désir de cette démarche ne le quitta plus. C'était une épreuve de ses forces qu'il voulait faire. Si bien qu'un jour, tout à coup, il vernit lui-même ses bottes, acheta des gants blancs et se mit en route, se substituant à Frédéric et s'imaginant presque être lui, par une singulière évolution intellectuelle, où il y avait à la fois de la vengeance et de la sympathie, de l'imitation et de l'audace. Il fit annoncer le docteur Deslauriers. Madame Arnoux fut surprise, n'ayant réclamé aucun médecin. « Ah, 1000 excuses, c'est docteur en droit. Je viens pour les intérêts de M. Moreau. » Ce nom parut la troubler. « Tant mieux, » pensa l'ancien clerc. « Puisqu'elle a bien voulu de lui, elle voudra de moi. » S'encourageant par l'idée reçue qu'il est plus facile de supplanter un amant qu'un mari. Il avait eu le plaisir de la rencontrer une fois au palais. Il cita même la date. Tant de mémoire étonna Madame Arnoux. Il reprit d'un ton doucereux. « Vous aviez déjà quelques embarras dans vos affaires. » Elle ne répondit rien, donc c'était vrai. Il se mit à causer de choses et d'autres, de son logement, de la fabrique, puis, apercevant au bord de la glace des médaillons, ah, des portraits de famille, sans doute, il remarqua celui d'une vieille femme, la mère de Madame Arnoux. Elle a l'air d'une excellente personne, un type méridional, et sur l'objection qu'elle était de Chartres, Chartres, jolie ville. Il en vanta la cathédrale, les pâtés, puis, revenant au portrait, il y trouva des ressemblances avec Madame Arnoux et lui lançait des flatteries indirectement. Elle n'en fut pas choquée et il prit confiance et dit qu'il connaissait Arnoux depuis longtemps. C'est un brave garçon, mais qui se compromet. Pour cette hypothèque, par exemple, on n'imagine pas une étourderie. Oui, je sais, dit-elle en haussant les épaules. Ce témoignage involontaire de mépris engagea Deslauriers à poursuivre. Son histoire de Kaolin, vous l'ignorez peut-être, a failli tourner très mal, et même sa réputation.

Pour motiver son voyage, Frédéric inventa une histoire et il partit en disant à tout le monde et croyant lui-même qu'il reviendrait bientôt.